c'est parti. Sur Skyrock. C'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais zoné, zoné, zoné. Rise Supreme de ce soir avec DJ Kaze. Bonsoir, bienvenue, comment ça va Kaze? Toujours bien. En pleine forme? Eh oui, en pleine forme. Bon, c'est... les fêtes approchent. C'est la période des fêtes, oui, oui, oui. Les fêtes de Noël, Nouvel An. D'ailleurs, oui, on va souhaiter peut-être un petit peu en avance de Noël pour dans 3 jours. Eh ben voilà, ça approche, mine de rien, le réveillon qui se prépare. Exactement. Et toi qui seras certainement un peu partout. Je vais me déguiser en Père Noël. Oh, oh, oh, oh. DJ Kaze avec... Noël d'Algérie. Avec ses doigts, ses doigts magiques aux platines. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de prévu ce soir dans le Rise Supreme? Bah, du méga lourd, ça va être explosif. Forme. Et ben alors coup d'envoi tout de suite sans plus tarder de ce Rise Supreme en ce dimanche soir avec DJ Kaze au contrôle. Are you ready? Let's go. Yeah.

les frelons sont là. Et pour venir on a mis un gros son de zona. Bléda, c'est 7-8-210 sur les plaques. On a des passes 3, range ta matraque. C'est les yo-yo et les yo-youl, secoue secoue les fesses sous les épaules pour que tout roule. Y'a pas d'alcool, que du JB, chacha au bout d'une chicha, entouré de bons équipes. Yeah, mais tu le sais, Paris c'est trop petit. Pas trop comme un daron qui fume le kiff dans son stop-si. On mélange des cultures et ça plaît même au bab. Alors on remélange, cache le marocain dans le pain au bab. Rachid Arabe, on ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque. Par peur, c'est l'armara. Débrouillard, plutôt jeune, un gosse du rachet système. Beurre, et concentre son potentiel en France. C'est facile de se retrouver au head. Halafi, on trempe dans des coups, des trafics. J'suis toujours un petit F, mais toujours à l'affût. Fils de l'espoir, la débrouillard des stars, ça. C'est le coup de grippe, rachet système. Pour ceux qui pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes. Qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois c'est fatal, ça semble interminable comme les Fada. Avec les moyens du bord dans tous les domaines, on a la hache dans les draps bientôt. Et suis entouré au vert aux critiques, moto. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne vaut. Rachet système, oh. Suprême en direct sur Skyrock. DJ K. أنا نطير كي الحمامة يجي يوم سلفون بلادي قمر

C'est DJ Case au contrôle de Rise Supreme. Case, je suis étonné, je ne te vois pas pianoter sur ton portable pour nous donner les dates. Non, je les ai déjà en tête. Ah ouais ? J'ai bien appris ma leçon. Alors, où vas-tu te trouver cette semaine et dans les jours qui viennent ? Alors, on va fêter le réveillon de Noël en famille et aussi du côté de Genève, donc à Annemasse au 8 Club, donc mercredi 24. Le jeudi 25, je suis en Hollande au Magnum Club. Mmh. C'est à Utrecht. La Hollande, tu connais, hein ? L'autre pays du... C'est Amsterdam, d'ailleurs, c'est à côté d'Amsterdam. Eh ben, écoute, ça va être enfumé. Juste après, vendredi, on fait dans la même foulée, on va en Belgique, au Royal, c'est à Carignan, c'est à la frontière belge. Et samedi 27, on va en Bretagne, à Brest. Au club 29. Direction la Bretagne, la Bretagne pour DJ Case. Voilà. À pas louper cette semaine entre 20 et 21. J'allais dire dans Planète Rap, non. Ça, c'est l'habitude. Ça, c'est l'habitude, non. Là, c'est entre minuit et 1h du mat, chaque dimanche soir, avec DJ Case. À pas louper, on repart dans quelques minutes. Allez. Coup d'envoi et la suite de Rise Supreme après ça. Let's go! DJ Case. Dimanche soir. Minuit 1h. Rise Supreme, mixé par DJ Case sur Skyrock. Supreme. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais maladie. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Cette année, je vais être partout comme le drapeau algérien. Christian Grey, but please, baby, you can call me Christian Grease. I'll make you fall in love, I'm a thief with the hearts. To me, it's an art. Baby, your eyes don't lie, I can see you want a little bit of me in your life. I can treat you like the princess you are, but behind closed doors, we can do it all. Ladies first, when I open doors, I got an open mind, let me open yours. You can come see me while I'm on tour, but till then, besito, mi amor. Watching you, watching me, yeah. And I'm gonna give you what you want, right? I'm watching you, watching me, watching you, watching me, yeah. And I'm gonna give you what you want, right? Hey. Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. No, she ain't talking about what she got. Just trying to enthuse about you. The reason why you lose, you got no. Into my shoes, I feel it. Plus some people, they gon' hate you, cause they try and alleviate you of me. What will elevate you, is it? So keep back, meditate the feel. Do you need? to what you need inside you. Yeah, people set you free, you find you. Come on, would you really be without you? Hey, what the people say without you? Yeah, the reason why your eyes is cause I'm my goal is to the sky because I'm just take a look into my eyes and you'll see. Yeah, we need to recognize that I got شافوني نبغيها

mixé par DJ K sur Skyrock.

Demande à Skalpovic, trop de Lucy, j'kick ça de si, prends mon Yevi. Tu veux du swag, il te manque ce truc qui fait que soudain tu te démarques. On se fait pas remarquer, on est remarquable. Faut le dire, personne nous rattrape. Swag et même on te si j'reste, fais ça, merci, passons. Trop de compliments, pourtant j'allais juste pisser. J'ai tissé ma toile comme piqué. L'expliquer c'est trop compliqué. Être chic c'est pas l'échec. Et qu'est-ce tu perds la tête. Mais au fait quitter. T'aimerais nous côtoyer. T'es sur la liste rouge. Sur la piste tu bouges. Mais t'as pas trouvé la loose. Ok ok t'as des loves. Mais t'as pas le level. T'as mis un LV. Putain. Je sais pas d'avoir de la sape. La sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques. Mais c'est évident. Il faut du swag. Du swag. Baby. Du swag. Ça fait pas comme un spoil. Ça prend des piges et des piges, des décennies. Suffit pas d'avoir de la sable ou bien de la marque. Je sais pas si tu le remarques, mais c'est évident. Il faut du swag, du swag. Baby, du swag. Ça fait pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges, des décennies. Ça fait du hip hop, tip top. Personne ne nous stop, c'est chic shop. Un hip hop, petite frappe. Ton style à l'odeur d'anti. Je l'ai déjà dit, nous tester ne venez jamais. Toi t'arrives en poney, moi je repars en jumeau. Une pour ma mate de cliché, la famille Duna. Zim Zima, encore un son de Zona. Tu te prends la tête avec ton survêt zardi en latex. C'est dans le sang la tech, même quand je jardine sans lacet. Je tape pas dans lacet, j'ai toujours un papier dans l'assiette. T'aimerais enlacer, mais ce soir le physio t'a rappelé. Pas d'avoir de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il te faut du swag. Du swag. Baby, du swag. Ça fait pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges. Suffit pas d'avoir de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il te faut du swag. Minuit, une heure, minuit, une heure. C'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Passez une bonne soirée, c'est déjà la fin de ce Rail Suprême. Eh oui, oui, oui. Comme ça passe vite, Case. Mais on me retrouve en soirée cette semaine. Alors où? Alors cette semaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis le mercredi 24, donc pour le réveillon à Annemasse, c'est au 8 Club. Le jeudi 25, c'est en Hollande, au Magnum Club, donc c'est à Utrecht, c'est à côté d'Amsterdam, pour ceux qui nous écoutent. Sur le net, partout. Exactement. Juste après, le vendredi 26, en Belgique, au Royal, ça carrément. À la frontière belge, donc les gens du Nord, vous êtes totalement invités. Et le samedi 27, on va aller voir nos amis bretons à Brest. Donc c'est loin, loin, loin à Brest. Hein. Jamais été d'ailleurs. Ah, c'est bien. Moi, jamais. Ah, il y a une sacrée descente là-bas à Brest. Nos amis bretons sont très forts, on les salue. On les salue et ça sera au Club 29, donc pour une ambiance de folie. Voilà, moi j'ai passé un super moment, j'espère que ça vous a plu. On a pu le constater à travers les messages. C'était top, top, top. Et on passe un bon moment avec Fred et avec nos auditeurs. Et bah, continue à balancer aussi des messages sur ta page officielle. Exactement, hein. Qui est DJ Case, donc sur Facebook. Et le Twitter, c'est DJ Case Paris. Et Instagram aussi, DJ Case Paris. DJKAYZPARIS. Voilà, voilà. Merci Case, rencard la semaine prochaine. Merci à vous. Ciao, ciao Case.